La vibration avant l'idéologique, enregistrement du mois de janvier 2023. Donc, avant de débuter à proprement dit cet enregistrement, je veux mentionner aux gens que dans les derniers jours, j'ai mis en ligne des capsules audio par rapport au philosophe jovialiste André Moreau. Et également là, des capsules audio de Marc de la Salle. Donc, c'est deux individus que j'apprécie en particulier. C'est sûr que je ne suis pas nécessairement en accord avec tout ce qu'ils disent, mais j'apprécie leur façon là, d'appréhender la réalité. C'est des individus très différents. Et c'est sûr que je me nourris de plusieurs perspectives sur la réalité. Et aussi de la vibration qui peut être véhiculée là, par rapport à certaines personnes. Je voulais faire une petite mise au point pour dire que ma chaîne YouTube ne vise pas fondamentalement à véhiculer de l'instruction supramentale dans le sens que l'a formulé Bernard de Montréal qui a initié ici au Québec le phénomène de la diffusion de la conscience supramentale. Donc, lui a fait un travail, et puis, bien que j'ai apprécié son matériel, j'en ai fait souvent référence dans le cadre de plusieurs capsules audio, que ce soit en solo ou avec des invités. Mon but, c'est pas nécessairement de véhiculer strictement du matériel supramental. Donc, à travers mes capsules audio, je vise à m'exprimer en tant qu'individu. Il y a des capsules qui visent à être à caractère plus journalistique ou informative par rapport à certains sujets, notamment par rapport à la santé. Il y a des capsules aussi qui visent à aborder là, de la musique que j'apprécie, des films. Donc, c'est très varié. Je ne veux pas me limiter à un créneau, je ne veux pas me mettre dans une boîte, dans une forme. Et j'avais eu des commentaires parce que j'ai mis en ligne des enregistrements là, en lien avec le philosophe jovialiste André Moreau il y a quelques jours. Et là, il y a des gens qui m'ont écrit, m'ont dit « Ah, ben c'est pas supramental. » Ben c'est sûr que c'est pas supramental. C'est des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Donc, c'est par rapport au jovialisme. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube... de David Lev, faut que vous compreniez que l'optique de cette chaîne, c'est de diffuser différents contenus que je trouve intéressants, que j'apprécie. Donc, si vous êtes strictement à écouter des enregistrements en lien avec la conscience supramentale, eh bien, à ce moment-là, il y a d'autres chaînes YouTube là, par rapport à ça, tout simplement. Et mon but, c'est pas d'être soumis aussi à une... vision du supramental idéologisée. Parce que là, je vois que certaines personnes qui sont en train d'en faire une doctrine ou une religion, dans le sens que ce qu'a véhiculé, entre autres, Bernard de Montréal, ça devient comme, pour eux, les principes qui ont été abordés, des points de référence. Alors que, dans ma compréhension de l'instruction supramentale sur le plan vibratoire, c'est pas une morale, une idéologie ou une doctrine. C'est-à-dire, c'est pas de se référer à des formes qui ont été véhiculées par un individu du passé. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qu'on peut vibrer dans le ici et maintenant. Donc, c'est au-delà de tout ce qui est construction intellectuelle. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ne le comprennent pas. Donc, j'ai l'impression que des gens qui ont touché à certaines religions, ils ont touché au Nouvel Âge, ils ont touché à l'ésotérisme, ils ont touché à des philosophies. Et là, ils délaissaient certains concepts pour en adopter d'autres à la place qui étaient véhiculés par des individus extérieurs à eux. Mais l'essence du supramental, c'est de véhiculer une vibration qui vient de soi à travers, entre autres, la parole et l'écriture comme étant l'extension du rayonnement créatif d'une conscience individuée. Donc, on n'est pas dans le doctrinaire. Moi, j'ai l'impression que des gens qui ont délaissé le Nouvel Âge, la religion catholique, ensuite l'ésotérisme, là, ils veulent se tourner vers d'autres choses pour C'est comme quelqu'un qui arrête d'être soumis à une forme ou une idéologie pour ensuite se plonger dans une compréhension réflexive idéologique par rapport à d'autres choses. Et par rapport à ça, c'est vraiment pas la démarche que je fais, la promotion. Et là, les gens doivent comprendre ça, parce que là, tu sais, si je véhicule un propos, puis la personne va dire « Non, ça, c'est pas cohérent avec l'instruction de Bernard. » Ouais, mais ma visée, mon objectif dans mes enregistrements, c'est pas nécessairement d'être cohérent en fonction d'une compréhension intellectualisée véhiculée du contenu de l'instruction de Bernard de Montréal. C'est de véhiculer qu'est-ce que j'ai la vibration de véhiculer. C'est très différent comme démarche, dans le sens que quelqu'un peut véhiculer, par exemple, certains principes. Et, tu sais, je peux vous donner un exemple comme de quoi que la vibration, c'est en fonction d'un contexte. Comme par exemple, l'hiver au Québec, quand il fait moins 30, c'est intelligent de porter un manteau d'hiver, porter aussi des pantalons là, de ski, là, ou des combinaisons, là, porter des bottes d'hiver. Donc, dans ce contexte-là, c'est intelligent. Mais à l'été, lorsqu'il fait plus 30 et non pas moins 30, c'est pas intelligent parce qu'à ce moment-là, on a chaud, puis c'est inutile d'avoir autant de vêtements sur le dos. Donc, tout est contexte. La façon que j'ai la compréhension de la réalité, tout est contextuel puis vibratoire. Puis dans un sens, il y a des gens qui peuvent critiquer, par exemple, la philosophie jovialiste. Va dire, c'est pas en lien avec le supramental. La visée, c'est le bonheur. Être heureux subjectivement. Or, pour moi, la visée d'être heureux subjectivement, si la personne a la vibration pour ça, même chose pour pratiquer l'amour libre ou le patronaship amoureux, poli, érotique, parce qu'André Moreau, il y a plusieurs compagnes, s'il est en adéquation par rapport à lui-même, par rapport à son être, pour moi, c'est intelligent. Si la personne est réellement et sincèrement en équation avec elle-même dans un comportement, une conduite, c'est intelligent. Même chose pour le moine bouddhiste qui va pratiquer la chasteté. Donc, mais chacun a se positionner puis être honnête envers lui-même. Dans mon cas, c'est sûr que la philosophie jovialiste André Moreau qui a été critiquée par plusieurs personnes qui voyaient à travers ça une vision un peu naïve du bonheur ou une façon d'inviter les gens à l'amour libre et à une forme de déchéance morale. Ce que j'ai à dire, c'est que si André Moreau vit ça, sa philosophie, donc fait la promotion du bonheur, et que lui est cohérent avec ça, là, il a passé le cap de 80 ans, puis il continue d'écrire des livres, et il a une joie de vivre, ben, moi je trouve ça intelligent par rapport à lui. C'est pas adapté à tout le monde. Le partnership amoureux polyérotique qui véhicule, c'est-à-dire que lui est en relation avec plusieurs compagnes qui peuvent, elles, également avoir plusieurs compagnons. Donc, c'est une façon de vivre le relationnel très différent du couple monogame qui lui appartient. Je regardais ça avec curiosité au fil des ans, mais moi, est-ce que je serais capable de vivre ça présentement ou avoir la vibration de vivre ça? La réponse, c'est non. Présentement, j'ai une compagne, je suis plutôt conservateur, dans le fond, dans mes comportements, et puis je suis très peu social, je ne suis pas entouré de plusieurs personnes, et c'est ce qui me convient, chaque personne a à vivre ses choses. Moi, je trouverais ça, avoir plusieurs compagnes, puis viser à les satisfaire toutes, je verrais ça comme un stress, comme une pression. Mais ça, c'est en fonction de moi. Quelqu'un d'autre pourrait être à l'aise avec ça. Et est-ce qu'il y a une bonne façon d'être ou mauvaise? Ben, c'est du cas par cas. C'est en fonction de ce que la personne est prête à assumer, qu'est-ce qu'elle est à l'aise. Donc, c'est sûr que moi, ma façon de vivre, j'ai ma compagne. Là, présentement, je suis père de famille, j'ai une fille à m'occuper. Et pour moi, de vivre à ce niveau-là, c'est congruent. Donc, tandis que c'est sûr, si j'aurais plusieurs compagnes, mais moi, ça me créerait du stress à essayer de satisfaire toutes ces femmes-là, surtout s'il y en a plusieurs. Tu sais, ça me créerait une tension, mais puis aussi, ça pourrait créer des tensions entre elles, et ainsi de suite, parce que plus que d'individus impliqués, plus qu'à ce moment-là, il peut y avoir des conflits potentiels qui éclatent entre les individus aussi à gérer. Ça fait partie des réalités. Donc, Tout ça pour vous dire que, à mon avis, la personne qui fait vœu de pauvreté, puis de chasteté, là, puis la sexualité, elle voit ça comme une occasion de péché, alors que d'autres personnes voient ça comme une occasion d'épanouissement personnel, puis il y en a qui vont avoir plusieurs compagnes ou compagnons. C'est en fonction de chacun. Et qu'est-ce que la personne est prête à assumer et dans sa relation intime avec son être pour voir si, dans le fond, lorsqu'elle s'observe, lorsqu'elle fait de l'introspection par rapport à elle-même, si elle est cohérente, si elle est bien dans sa peau. Donc, c'est sûr que je trouve ça plus intelligent, quelqu'un qui vit en congruence avec lui-même. Dans son cas, c'est de pratiquer la chasteté ou avoir plusieurs compagnes, puis la personne est bien dans sa peau. Je trouve ça intéressant. Donc, l'important pour moi, la priorité, c'est que la personne soit bien dans sa peau. Et tout ça pour vous dire que, dans le fond, je peux apprécier des gens qui diffusent de la conscience là, sur plusieurs années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui sont consacrés à de la diffusion. André Moreau, lui, ça fait plusieurs décennies qu'il va faire des conférences, des enregistrements, qu'il a écrit des livres. Donc, il a écrit des milliers de pages. Marc de la Salle, il a consacré une bonne partie de sa vie par rapport à ça. Il y a d'autres individus aussi que j'ai trouvé intéressants, comme Bernard de Montréal, encore une fois, sur plusieurs décennies. Donc, c'est sûr que ce qui m'intéresse dans les gens qui font de la diffusion web, c'est des gens qui font ça, entre autres, sur une longue période de temps. Les gens qui cherchent à approfondir leur compréhension de la réalité, de ce qu'ils vivent, et ainsi de suite. Donc, il y a une forme de continuité au fil du temps. Bien entendu, la vision proposée par André Moreau ou Bernard de Montréal ou Marc de la Salle, c'est très différent. Mais, à mon avis, ça peut être intéressant de prendre en considération plusieurs perspectives. Parce qu'un peu comme dans le domaine de l'informatique, il y a des gens qui vont fonctionner avec des PC, Personal Computer, versus Mac de la compagnie Apple, qui sont deux interfaces très différentes pour appréhender la réalité. Donc, il y a des gens qui vont faire affaire avec PC, on a une interface visuelle, certains logiciels, tandis que Mac, c'est autre chose. Donc, c'est différentes programmations. Et c'est sûr que quelqu'un qui est capable de passer de PC à Mac ou vice-versa et de jongler avec les programmations, mais ça ouvre sur plusieurs perspectives, un peu comme quelqu'un qui maîtrise plusieurs langues, quelqu'un qui parle français puis anglais. Bien, ça lui permet d'être en contact avec plus d'informations qui se limitent juste à la langue française. Donc ça, c'est au niveau des cadres conceptuels. Juste à ce niveau-là, ça peut être intéressant de jongler par rapport à différentes perspectives. Mais au-delà de ça, c'est de composer intelligemment avec une vibration, la vibration que je vais appeler qui vient de l'esprit ou de notre être, qui est en relation avec la totalité de ce qui existe. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, moi, ce que j'ai à vous dire, si les gens me posent la question, es-tu plus proche d'André Moreau? Es-tu plus proche de Bernard de Montréal? Es-tu proche de ci, de ça? La réponse, c'est que mon objectif, c'est d'être proche de moi-même, bien que je peux apprécier certains individus qui visent à véhiculer une forme de conscience. Et je ne vise pas à être soumis à aucune forme de doctrine, idéologie, philosophie, spiritualité. Donc, pourquoi? Ben parce que quand on est soumis à des formes, ben à ce moment-là, on n'est pas libre, on n'est pas en émission vibratoire. Et c'est sûr que présentement, à l'époque présente, ce que je vois, c'est qu'il y a l'émergence du mouvement woke, qui veut dire en anglais « éveil ». Or, on peut s'illusionner en adhérant à une idéologie, en croyant qu'on s'éveille. Et ça, ça fait partie de la fascination de l'émergence d'une nouvelle doctrine. Donc, les gens dans le passé, en Europe, lorsqu'il y avait eu l'émergence du mouvement du communisme, il y avait beaucoup d'Européens qui s'imaginaient que le communisme allait représenter leur planche de salut. Et on a vu très bien qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le communisme en tant que régime politique, pris de l'ampleur en Russie, ça a débouché sur une utilisation de cette idéologie pour mettre en place une des grandes dictatures du siècle dernier avec Staline, avec les goulags, les camps de concentration, le contrôle des individus. Donc, on a vu le dérive. Même chose pour le communisme chinois à l'époque actuelle, avec les moyens modernes de contrôle de la population. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut avoir des bonnes intentions, comme on l'a vu avec le mouvement communiste, où ce que chacun aurait accès à l'égalité, que ce soit l'accès à l'éducation, accès aux ressources, que tout soit public au lieu que ce soit privatisé. Naturellement, ça a mal tourné. Et probablement que les lacunes du mouvement woke, on va les voir de plus en plus au fil des décennies, au fil des siècles. Mais j'ai l'impression qu'une partie de la population mondiale, entre autres des Européens et des Nord-Américains, sont présentement en phase de lune de miel avec le mouvement woke, un peu comme sur le plan du couple. Donc, lorsque la personne est amoureuse d'une autre et qu'elle découvre un nouveau partenaire, eh bien, lorsqu'elle vit ce qu'on va appeler la passion amoureuse, donc ce que l'amour, on va dire, rend aveugle, bon, bien, la personne voit juste les qualités de l'autre. Elle ne voit pas ses défauts à prime abord. Elle est fascinée par l'autre. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie de la population présentement sont fascinés par le mouvement woke et ne voient pas les failles qui me paraissent évidentes par rapport à ce mouvement, les risques de dérive et ainsi de suite. Par rapport au mouvement woke qui est en émergence à l'heure actuelle, ce que j'ai à dire, c'est que naturellement, je ne suis pas un tenant du mouvement woke. C'est sûr que si on aurait à me catégoriser, ben, je suis un peu plus proche d'une mouvance conservatrice, sans pour autant être fondamentaliste sur le plan religieux. Par contre, le point, c'est que lorsque je vis avec la vibration, à un certain moment donné, peut me faire agir dans un sens qui va du mouvement woke, à un moment donné un peu plus conservateur, à un moment donné un peu plus d'une manière qu'on va qualifier de jovialiste ou de même de supramentaliste. Quelqu'un qui ferait une lecture idéologique de mes comportements en fonction d'un cadre conceptuel, naturellement. Mais par rapport au mouvement woke, l'une des particularités, c'est qu'on cherche présentement à faire éclater, on dit, des formes pour l'émancipation individuelle et son bonheur. Et il y a l'étiquette de non-binaire qui est en émergence, où ce que beaucoup d'individus dans les sociétés occidentales sont invités par les tenants du mouvement woke à se catégoriser, se qualifier comme étant non-binaire. Et j'ai, par rapport à la pertinence d'utiliser cette étiquette-là pour se définir en tant que construction individuelle, j'ai un sérieux questionnement sur la pertinence d'agir ainsi et je vous explique pourquoi. En fait, il y a quelques jours, j'ai discuté avec une mère de famille et qui a une fille. Sa fille, est née fille là, sur le plan biologique et là, est rendue adolescente et elle se considère comme étant non-binaire. Et sa mère, ainsi que ses proches, elle avait un nom à la naissance, là, elle veut se faire appeler un nom non-binaire, n'évoque ni le masculin ni le féminin. Et cette mouvance-là, on s'entend, là, il y a 30 ou 60 ans, on n'aurait pas vu ça. Et là, la mère de famille ainsi que les proches jouent le jeu. Et c'est sûr que quand je suis en présence de sa fille, ben moi, je cherche pas à créer des conflits ou des tensions, je vais jouer aussi le jeu. Je vais l'appeler comme elle veut qu'elle soit appelée, là, naturellement. Sauf que le point, et ça a été très révélateur dans la discussion. Sa fille n'était pas là et, cette fois-là. Et lorsqu'on a discuté, ce qu'elle m'expliquait, c'est que sa fille, elle a vécu du rejet de son père. Donc, elle a des frères. Et de ce qu'elle m'expliquait, c'est que probablement que le père acceptait plus les frères, donc identité masculine. Et elle, en tant que femme potentielle, là, c'était une fille, elle a vécu du rejet du père et par la suite, elle a eu des idées suicidaires et là, présentement, elle est suivie là, par un intervenant. Tout ça pour dire que quand elle m'a partagé ça, parce que là, moi, une fille qui une personne de nature féminine qui veut devenir non-binaire, j'essaie de comprendre. Tu sais, d'où vient la motivation de vouloir adhérer à l'étiquette woke? Et là, quand elle m'a expliqué ça, parce que ça m'a amené à allumer sur un phénomène particulier, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, probablement que le père, ou dans l'interprétation qu'a eue la fille de son père, c'est qu'en tant que femme, elle s'est sentie rejetée sur le plan de son identité biologique fondamentale. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'elle-même, si elle se sent rejetée par son père en tant que fille, peut-être qu'elle-même, elle s'est rejetée en tant que fille, puis à ce moment-là, elle a voulu adhérer à l'identité woke, qui est celle de non-binaire. Donc, rejeter son identité de genre d'origine parce qu'elle vit du rejet du père, puis ça lui crée une forme de malaise. Et sous l'influence du rejet du père, elle peut elle-même se rejeter. Ça, c'est une hypothèse que je fais. C'est sûr que je ne suis pas dans sa tête, on s'entend, là. Par contre, j'aime formuler des hypothèses explicatives par rapport à des comportements. Pendant plusieurs années, j'ai écouté au Québec, à la radio, le psychiatre Pierre Mailloux, qui faisait des hypothèses comportementales par rapport à différents comportements qui, à l'origine, peuvent nous apparaître comme étant difficilement compréhensibles. Et l'hypothèse que je ferais par rapport à ça, c'est qu'elle, elle souffre. Il était question qu'elle avait des idées suicidaires et que, à quelque part, l'idée d'adhérer à l'étiquette non-binaire, ça ne règle pas la souffrance de fond. C'est-à-dire que si elle avait un malaise parce qu'elle se sent rejetée par son père ou elle vit une forme de relation familiale toxique avec lui où il y a un conflit ou une tension, que la personne elle se considère comme étant femme, non-binaire ou homme, s'il y a une souffrance de fond ou ce que la personne, sur le plan identitaire, ne se sent pas acceptée, qu'elle se considère comme étant non-binaire ou différentes catégories imaginables, ça ne va pas nécessairement régler le problème de fond. Et pour moi, l'une des dérives potentielles en lien avec le mouvement woke que je vois, c'est l'utilisation de l'étiquette non-binaire pour, dans le fond, à quelque part, compenser une forme de souffrance haute vécue en relation avec un traumatisme vécu dans le passé par la personne. Et que, à quelque part, l'utilisation de l'étiquette non-binaire, dans certains cas, peut être la manifestation d'un symptôme en réaction à une souffrance n'étant pas réglée, un conflit, une tension non réglée. Donc, autrement dit, que la personne se considère comme étant non-binaire, si elle a un problème avec son père, ça ne réglera pas le problème de fond, ça n'enlèvera pas la souffrance, ça ne la rendra pas heureuse. Donc, d'investir de l'énergie là, pour que la personne qui se considère non-binaire, tout convie les proches à l'appeler avec un nouveau nom non-binaire, l'appeler « Yel », ensuite changer les papiers, là, que ce soit au niveau du permis de conduire, bien là, c'est pas le cas de cette personne-là, mais tu sais, si j'extrapole un peu, la personne est adulte et elle se considère non-binaire, bon, il y a le permis de conduire à modifier, ensuite le certificat à l'état civil par rapport à l'identité de la personne, ensuite la carte d'assurance maladie ici au Québec, tous les papiers puis la paperasse, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est ça, je me questionne sa pertinence par rapport à ça. Et dans le fond, par rapport à la question des non-binaires, il y a plusieurs mois, en fait, j'avais été en contact avec une autre personne qui se considère comme étant non-binaire et elle avait un passé traumatique. Fait que là, les cas, c'est sûr qu'on s'entend, là, j'ai pas un échantillon représentatif de 1000 personnes de la population québécoise pour porter un regard global sur le phénomène des non-binaires, mais dans les deux cas, auxquels j'ai eu de l'information, puis ces deux personnes aussi que j'ai rencontrées là, à quelques reprises, c'est des gens qui ont vécu un passé traumatique. Donc, je vois ça, dans ces deux cas-là, l'étiquette non-binaire comme étant une réaction de la personne face à de la souffrance et non un élan qui peut être vécu... Par rapport à, si on prend le phénomène de l'homosexualité, la personne est adolescente, elle se rend compte qu'elle est attirée par les gens du même sexe, ou elle fait des rêves érotiques, ou elle est excitée sexuellement quand elle regarde des photos, des vidéos de gens du même sexe. Bon, ben, il y a comme un élan intérieur qui est là, qui se fait comme naturellement. Donc, et là, la personne, bon, elle a constaté qu'elle est homosexuelle ou est bisexuelle ou peu importe, mais ça se fait avec en fonction d'un élan interne qui l'amène là. Tandis que là, c'est pas pareil. C'est en relation avec un vécu traumatique dans ces deux cas. Et le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est que si l'étiquette non binaire, dans le fond, ne règle pas une souffrance de fond liée à un problème relationnel avec un individu significatif comme le père, ça pourrait être la mère aussi, là, remarquez, là, c'est que, à quelque part, c'est un petit peu, d'utiliser cette étiquette-là, je vois ça un petit peu comme une façon d'extérioriser, comment dire, c'est comme si la personne met d'énergie par rapport à ça, mais elle devrait en mettre à un autre niveau pour régler le problème de fond qui l'amène à utiliser cette étiquette-là si c'est en réaction à une souffrance. Dans notre société, on va avoir, par exemple, des gens qui vont prendre des antidépresseurs parce qu'ils sont pas bien dans leur famille. La personne peut vivre un conflit important avec le père, puis elle côtoie son père à tous les jours, ou au milieu professionnel qui est malsain, donc un milieu qui est toxique. Donc, si la personne prend des antidépresseurs, ça peut réduire les symptômes de la dépression et le malaise, mais ça règle pas la cause. Et j'ai l'impression que l'étiquette des non-binaires, c'est un petit peu un phénomène similaire qui peut se produire par rapport à elle, dans le sens que la personne qui se qualifie comme non-binaire, un peu comme l'antidépresseur, ça règle pas nécessairement le problème, la souffrance ou le traumatisme qu'elle vit qui l'amène à vouloir utiliser cette étiquette-là, advenant le cas. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui se considèrent comme étant non-binaires, puis c'est vraiment un élan intérieur, mais à l'heure actuelle, j'en connais pas. Et j'ai de la difficulté à me représenter ça, honnêtement, là, dans le sens que du jour au lendemain, quelqu'un qui se réveille avec un élan interne, donc, aujourd'hui, je me sens non-binaire, je me sens ni homme ni femme. Je le vois pas. En tout cas, peut-être que ça se peut, là, mais écoutez, j'ai des sérieux doutes. Tandis qu'au niveau de d'autres phénomènes sociaux qui n'étaient pas acceptés, qui étaient marginaux, qui ont devenu acceptés, comme l'homosexualité, je peux concevoir quelqu'un du jour au lendemain, la personne vit la puberté, puis ah, elle se rend compte qu'elle est attirée par les gens du même sexe. Ça, c'est un élan interne de la personne, où elle compose avec une réalité par rapport au désir sexuel, puis... Mais... L'histoire d'étiquette non binaire. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines décennies. Au niveau expérimental, la civilisation occidentale est en train d'intégrer cette forme d'identité de genre et on va voir si ça va favoriser l'épanouissement réel des individus et leur évolution. Ça va favoriser l'évolution collective des sociétés occidentales. On verra tout ça. Mais c'est sûr que ma perspective, quelqu'un qui utilise l'étiquette non binaire, puis on ne me fera pas changer d'idée là-dessus, c'est que c'est utilisé pour, dans le fond, en réaction à un problème qui engendre la souffrance, et ça neutralise pas la souffrance, la personne ne sera pas en paix. C'est-à-dire que si la personne a vit un problème avec son père ou autre individu significatif, quand même qu'elle se considère comme étant non binaire ou binaire, si elle souffre, elle va continuer de souffrir parce que utiliser une nouvelle étiquette, ça va pas ça va pas créer des solutions pour générer plus d'harmonie avec la personne si peut y en avoir avec laquelle elle a un problème ou si la personne n'y a rien à faire pour la changer, ben ça comme prendre ses distances par rapport à elle. Donc c'est ce que j'avais à dire là, par rapport à ça. Et sinon aussi, je voulais revenir parce qu'il y a une personne qui m'a écrit par courriel et elle mentionnait qu'elle était en Europe. Il y a peut-être d'autres personnes aussi. En fait, j'avais déjà eu dans le passé, là, il y a plusieurs mois, là, des messages qui allaient un petit peu dans le même sens par rapport à la question de l'isolement de la personne qui se conscientise. Donc, la personne, elle m'écrit, elle dit « Je suis en Europe, je vis de l'isolement par rapport à... » Au processus d'individuation qu'elle connaît, il y a des gens qui vont dire, ben, j'aime ça écouter des enregistrements que tu véhicules sur ta chaîne, comme Marc de la Salle, d'autres entrevues que tu as faites aussi avec d'autres personnes, avec des invités comme Bertha, parce que ça me fait du bien, je me sens moins seul. Et la personne, c'est arrivé à plusieurs reprises, vit une forme de solitude. La personne, à travers ça, j'ai l'impression qu'elle a besoin de communiquer, elle a besoin d'échanger. Et c'est sûr que par rapport à des gens comme ça, bon, mais j'ai déjà dit dans le passé, allez sur Facebook. Il y a plusieurs groupes en lien que la conscience supramentale, si vous discutez avec des gens que ça l'intéresse, vous pouvez aller sur Facebook et écrire sur le moteur de recherche supramental, puis vous allez peut-être avoir la possibilité de discuter avec des gens intéressants que vous allez découvrir. Mais au-delà de ça, c'est que si la personne vit réellement de la souffrance parce qu'elle a l'impression qu'elle est seule à vivre cette conscience-là, la personne, qu'en Europe, il y a de plus en plus de gens là, qui s'y intéressent, mais ça pourrait être une personne en Amérique du Sud ou aux États-Unis ou en Russie, pourquoi pas. Eh bien, ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez une impulsion intérieure de vous exprimer avec des gens, bien, c'est d'agir en congruence, en conséquence. Je ne l'ai pas fait avec la personne, mais j'aurais pu dire, bien, si vous voulez de l'isolement, prenez la parole avec un micro, puis utilisez le web pour entrer en contact avec des gens. Vous pouvez faire des enregistrements. Et dans le passé, j'ai déjà proposé à des personnes de faire des enregistrements pour entrer en contact avec d'autres personnes et naturellement, ils n'ont pas donné suite là, à ma proposition en général. Mais le point, c'est quelqu'un qui souffre vraiment d'une forme de solitude puis a besoin de socialiser en relation avec un vécu d'une forme d'une conscience, bien, que la personne agisse en conséquence, il faut être audacieux. Je parle en connaissance de cause. Écoutez, il a fallu que, à quelque part, j'aille au-delà d'une forme de timidité pour me permettre de faire des enregistrements sur le web. Là, aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs centaines, donc j'ai un peu plus d'aisance que je pouvais en avoir il y a quelques années lorsque je parle. Mais néanmoins, ça m'a amené à aller au-delà d'une forme de timidité. Donc, si l'impulsion interne pour prendre la parole est plus grande que la timidité, la peur d'avoir l'air fou, la peur de bafouiller, ben c'est ça qui va prendre sur le dessus et la personne va s'exprimer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez... Parce que si la personne a dit « Ah, j'aimerais ça parler avec des gens, mais ah non, je ne veux pas faire d'enregistrement micro. Ah non, je ne veux pas aller sur un forum sur Facebook. Ah non, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. » En réalité, la personne ne veut pas vraiment. Elle veut un petit peu, mais pas vraiment. Tandis que quelqu'un qui veut vraiment, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de marchandage. La personne, elle vibre puis agit, comme dirait Daniel Bédard. Elle ne se casse pas la tête, elle ne réfléchit pas, elle n'intellectualise pas. Donc, elle passe à l'action. Et c'est les gens qui passent à l'action qui m'intéressent. Donc, c'est des gens qui... à un moment donné, il y avait des gens qui voulaient faire des enregistrements avec moi et je leur ai posé la question « Avez-vous déjà fait un enregistrement pour que je puisse prendre contact avec votre vibration à travers une expression verbale? » Il y en a certains qui me disaient non. Or, si la personne est vraiment activée par un principe de parole en elle, à quelque part, elle va faire l'enregistrement, elle ne sera pas en hésitation, on en aura déjà fait. Mais c'est sûr que, dans le fond, par rapport à... Parce que j'ai eu plusieurs propositions au fil des mois de différentes personnes pour produire des enregistrements visant à véhiculer de la conscience, j'ai refusé beaucoup de personnes parce que c'est sûr que dans ma vie de tous les jours, naturellement, étant père depuis un peu plus d'un mois, c'est sûr que, bon, ça me garde actif de m'occuper de ma fille. Et c'est sûr qu'en termes de priorité... naturellement, je vais veiller à ma famille. J'aime toujours communiquer, faire des enregistrements. La preuve, j'en fais un présentement. Mais là, à cette étape-ci de ma vie, je suis rendu à 41 ans. Il y a quelques années, entre autres, vers l'année 2018, j'ai fait plusieurs entrevues avec des invités. Donc, si vous allez sur ma chaîne de David Lev, vous allez voir qu'au fil du temps, j'en ai fait beaucoup de vidéos. Il y en a plusieurs centaines. Et il y a une période où j'avais reçu plusieurs invités. Présentement, j'ai pas de mise en vibration en ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle je m'écoute et j'ai eu à décliner plusieurs invitations en ce sens. Donc, des gens qui m'ont écouté interviewer à plusieurs reprises, Berthold ou également Mona, sur ma chaîne YouTube depuis les deux dernières années. Et ils m'ont dit, ben là, je trouve ça intéressant tes entrevues, mais là, je voudrais plus d'invités différents. J'ai eu souvent cette requête-là. C'est pas qu'ils apprécient pas mais ces deux invités-là. Au contraire, il y en a qui les apprécient beaucoup, mais là, ils veulent avoir plus de variété. Mais en même temps, ce que j'ai déjà dit à des personnes, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me propose d'inviter une personne pour l'interviewer. J'ai décliné l'invitation. J'ai dit, pourquoi pas, toi, faire l'enregistrement avec cet invité? Puis lorsque tu l'auras fait, tiens-moi au courant, puis je l'écouterai. Et naturellement, la personne n'a jamais donné suite. Pourquoi? Ben, c'est qu'à un moment donné, les gens qui veulent entendre certaines choses, il faut être capable de vous donner ce que vous voulez entendre. C'est ça, une conscience créative génératrice. Moi, je me suis donné ce que je voulais entendre. Je voulais entendre des entrevues qui étaient faites avec Marc de la Salle il y a plusieurs années. Bon, Richard Glenn l'avait interviewé en 2011 et par la suite, j'avais proposé à Marc de l'interviewer. Comme il n'y a pas personne qui l'interviewait à cette époque-là, ben, il a accepté. Mais moi, parce que j'avais écouté un enregistrement de Richard Glenn en 2011. En fait, il avait été interviewé, Marc de la Salle, en 2011. Là, et par la suite, dans le fond, moi, j'étais intéressé à l'entendre de nouveau. J'avais envie de l'entendre davantage et c'est la raison pour laquelle j'ai été entré en contact avec lui pour l'interviewer et pendant près de 9 ans, je l'ai interviewé par la suite. Pourquoi? Ben, c'était pour répondre à mon besoin. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'entendre des entrevues de certaines personnes, allez vers eux. Peut-être qu'ils vont accepter. Donc, soyez audacieux. Et pour ça, ben, il faut aller au-delà de la gêne, de la timidité, de la peur de déplaire. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient entrer en contact avec moi pour parler de conscience de manière privée. Présentement, je vous dirais qu'au moment où je vous parle en ce mois de janvier 2023, non, je n'ai pas nécessairement la vibration par rapport à ça. Donc, j'ai parlé beaucoup de conscience au fil du temps avec différents invités. J'ai exploré plein de sujets. Et présentement, dans ma vie, c'est sûr que ça m'intéresse toujours d'intégrer davantage ma conscience naturellement. Mais c'est sûr que présentement, dans ma vie, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est mon vécu en tant que père. Et pour moi, c'est sûr que d'intégrer le rôle que consiste à être père, c'est quelque chose qui m'amène à redéfinir mon rapport à l'existence en général. Et faire des observations aussi. Tu sais, il y a peut-être plusieurs personnes qui m'écoutent, qui vont aller voir sur Facebook. Là, des fois, il y a des gens, ils ont des enfants, puis on voit des photos avec le beau sourire. Mais en réalité, dans le quotidien, ce que je vous dirais dans mon vécu, les sourires, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a souvent des pleurs, peut-être aux 3 ou 4 heures quand ma fille a faim. Et c'est sûr que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'intensité que peut avoir un enfant qui n'a pas été encore conditionné par la société, qui est, dans le fond, spontané, qui est en contact avec ses besoins, par exemple le besoin de manger, et qui n'a pas été castré par une morale rigide, par une structure, qui n'a pas été étouffé, qui n'a pas été refoulé. Donc un enfant à la base, là, à quelques jours de vie, qui est libre du conditionnement social, qui est en contact avec lui-même. Donc, il a besoin de manger, il a faim. Mais il se met à pleurer avec intensité. C'est particulier. Et là, moi, ma petite fille est toute petite, puis est capable de faire des pleurs avec une très grande intensité, une grande projection de voix. C'est sûr que c'est quand même assez impressionnant. Et par rapport à ça, quand j'observe ça, c'est la personne qui vit au-delà de l'intellect, à quelque part, elle vit d'une manière plus intuitive qu'un paquet de personnes qui s'occupent d'étudier intellectuellement la conscience, puis de mettre toutes les informations recueillies dans des catégories, dans tes cases, puis de dire « Ah, non, ça, c'est pas conscient, ça, c'est conscient. » Mais en réalité, la conscience ne s'évalue pas d'une manière réflexive, mais d'une manière vibratoire. Et c'est sûr que ça, c'est un des constats fondamentaux. Et pour conclure cet enregistrement, ce que j'avais le goût de dire, c'est sûr que bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit au fil des mots. J'en ai une fois de temps en temps un au compte-goutte qui dans le fond, il y en a plusieurs qui m'ont proposé de faire des entrevues ou d'entrer en contact avec moi. Dans plusieurs reprises, j'ai décliné les invitations, mais ça n'a pas dit nécessairement que je vais tout le temps les décliner dans le futur. Donc, c'est en fonction de la vibration du moment. Mais il y a certaines personnes que, finalement, il y en a un qui voulait que j'interviewe. Le gars, il était baveux, là. Tu sais, il me voyait un petit peu, j'ai l'impression, comme une espèce de service public, là. Tu sais, comme quelqu'un qui est financé par le gouvernement, que tu n'as comme pas le choix de transiger, là. Il dit « Ah, interview-moi, là, je suis prêt, là, pour parler de conscience. » Puis, tu sais, je sentais que c'est comme... comment dire, la personne ne disait pas « Est-ce que ça tente? » Il n'y a pas de politesse, s'imposait. J'ai refusé naturellement et par la suite, j'ai vu qu'il a fait un enregistrement et l'enregistrement, c'était vraiment pas vibrant. C'était de la merde, si vous voulez que je vous dise. Mais il y a des gens qui n'ont pas de politesse. Sur Internet, c'est ce qui est sans doute intéressant dans un sens, c'est d'être confronté à la mosaïque humaine et à toutes les surprises qui peuvent être en relation avec ça, dans le sens que des gens sont extrêmement polis, extrêmement respectueux, grand savoir-vivre, puis t'en as d'autres qui n'ont pas de savoir-vivre, qui cherchent à s'imposer, qui cherchent à l'utiliser pour des faire valoir. Et il y a tout. T'as des gens très intelligents sur le plan intellectuel, un peu comme sur le plan éducatif, t'as des gens qui ont des doctorats, puis il y en a d'autres qui ont des maternelles. T'en as que c'est des doués ou des surdoués, puis t'en as d'autres c'est des déficients intellectuels. Donc, il y a différents quotients intellectuels, il y a différents quotients vibratoires. On peut avoir un quotient émotionnel aussi, la capacité de faire la lecture des émotions des autres, faire preuve d'empathie, d'être à l'écoute des sensibilités. Mais au-delà de ça, ce qu'on a à réaliser, c'est qu'il y a différents niveaux vibratoires, de différents décalages, et c'est une question de sensibilité, et aussi de composer avec une incompréhension par rapport aux gens en général, dans le sens que il y a des choses que j'ai dit il y a 3-4 ans, là, il y a des nouvelles personnes qui découvrent les vidéos, fait qu'ils ne sont pas nécessairement au courant de ça, fait qu'ils me reposent des questions de choses que j'ai déjà parlé, ou ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi que j'ai mis des enregistrements d'André Moreau, alors que là, je mets des enregistrements de Marc de la Salle. J'ai fait des entrevues avec Berthold. Il y a des gens qui voient une forme de décalage par rapport à tout ça. Et là, ce qui m'a amené, entre autres, à faire la petite mise en contexte dans le cadre de l'enregistrement aujourd'hui en disant que les enregistrements que je mets en ligne, c'est en fonction de la vibration que j'ai du moment. Et je ne vise pas à suivre une ligne de parti. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont entendre quelqu'un qui est plus du côté... conservateur, l'importance de la valeur de la famille, tandis qu'au contraire, il y en a une autre personne qui peut être plus du côté progressiste, de l'ouverture aux autres, voire du couple ouvert. Donc, il peut y avoir différentes choses qui vont être abordées comme sujet sur ma chaîne YouTube. Et dans le fond, faut pas être strict, faut pas être rigide, faut pas être figé dans rien, parce que, à quelque part, la fixité dans la forme, c'est ce qui empêche la fluidité du mouvement et ce qui empêche aussi l'expression vibratoire, parce que la vibration doit primer avant la forme, être au-delà de la forme, au-delà des étiquettes et des catégories, comme par exemple celle de non-binaire, pour voir clair aussi par l'utilisation de ces catégories par rapport à certaines personnes et le rôle et la fonction que ça a dans leur vie en termes d'utilisation pour se définir sur le plan identitaire et à quel point ce type de catégorie favorise ou non le développement individuel. Et c'est sûr que sur le plan collectif, on va voir dans les prochaines décennies toute la programmation sociale et éducative qui vise à dire à des jeunes « ben tu peux être homme, tu peux être femme ou tu peux être non-binaire ». Tu peux être transsexuel aussi, tu peux être... tu sais, il y a plusieurs catégories qui sont présentées aux jeunes en disant, dans un esprit d'ouverture, « Ah, ben c'est comme tu te sens, etc. » On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va juger l'arbre à ses fruits, là. Et c'est sûr que par rapport au mouvement woke, c'est un dossier à suivre parce que ça prend de plus en plus de place. Autrefois, il y avait les gens, c'était le salut au Québec là, dans un lointain passé à travers la religion catholique. Donc, les gens se soumettaient au petit catéchisme dans l'espoir d'aller au paradis à la fin de leur jour, aller au ciel et non pas en enfer. Et en fonction de ça, ben, les gens se sont soumis à des comportements et ils ont fait aussi de l'aveuglement volontaire par rapport à des comportements qu'aujourd'hui, on regarde, là, on dit ça n'a pas de bon sens. Il y a eu des abus d'autorité de certains religieux qui ont fait preuve de violence. Il y a eu des cas de gens qui estiment avoir vécu des abus sexuels là, par rapport à des religieux responsables de pensionnats, chantage, manipulation, harcèlement psychologique et autres. Mais ça, c'est avec le recul historique. Et avec le recul historique, on verra qu'est-ce qui adviendra là, par rapport au mouvement woke et si le mouvement woke est réellement porteur d'éveil comme son étiquette l'indique. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.